Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler des séries de la Ligue nationale avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, on va parler de ce qui s'est passé. On va faire le tour des séries. C'est toujours intéressant de faire le tour des séries actuellement. La grosse surprise, c'est le Lightning de Tampa Bay qui se sont fait sortir en 4 matchs. Bonsoir, ils sont partis par les Blue Jackets de Columbus. Très surprenant. Hein? C'est là qu'on voit que c'est pas du tout le même calendrier, hein? La même saison. Ben, c'est sûr et certain, Danny, que quand tu arrives dans les séries, tu mets un peu dans la poubelle l'accomplissement que tu as fait pendant la saison régulière. Sauf que ça démontre une chose, la série Tampa Bay-Columbus, c'est que à un moment donné, là, dans une saison, tu frappes toujours le mur, OK? Mm. Sur une saison de 82 matchs. Dans pratiquement tous les sports, tu arrives à un moment donné dans l'année où tu vas frapper le mur. Puis c'est pas arrivé au Lightning pendant la saison vraiment. Ils ont connu une saison exceptionnelle. Et puis, ils ont frappé le Waterloo, si on veut, là, en commençant les séries. Alors, quand tu joues au basketball, au baseball, tu joues quasiment à tous les jours. Basketball, tu joues à peu près 80 matchs. Hockey, tu joues à peu près 80 matchs. C'est sûr et certain que pendant un moment donné dans ta saison, tu vas pogner une période creuse où tu vas peut-être perdre 5-6 matchs en ligne. Puis là, ça va remettre les pendules à l'heure, si tu veux. Ça va. Parce que là, quand tu gagnes, tu viens dans une zone de confort où tu penses que... Tu sais, il y a certains soirs où Tampa Bay, cette année, ils ne jouaient pas du gros hockey. Là. Ils ont pris une journée de congé un soir, puis ils ont gagné leur match quand même parce que il y avait tellement de bonnes offensives qu'ils pouvaient se fier seulement peut-être à l'avantage numérique un soir qui allait les faire gagner. Alors, quand tu arrives dans les séries comme ça, où c'est du jeu beaucoup plus serré, tu as moins d'avantages numériques, on va matcher les lignes un peu plus un contre l'autre, et là, lorsque tu frappes ton mur, puis que, oups, que tu viens de te faire brasser dans ta zone de confort, puis que t'es pas habitué à réagir parce que tu l'as pas vécu pendant la saison, ben ça donne le résultat qu'on a vu avec Tampa Bay Columbus. Tampa Bay Columbus, écoute, l'avantage numérique des Jackets était là, tandis que, le Lightning n'a jamais été là. C'est ça la différence, puis il était là en saison. Exact, mais... Oui, mais c'est justement, écoute, aujourd'hui, là, avec les vidéos que tu peux sortir sur comment que l'avantage numérique se joue, tu fais des ajustements, t'es plus discipliné, ces affaires-là, et c'est pas long. Puis comme je t'ai dit, c'est tellement fragile, la confiance, quand t'as pas frappé l'adversité pendant la saison, ben que là, t'arrives après ça en série, puis oups, t'as juste à semer une graine de doute dans la tête d'une équipe, ça peut complètement changer ton niveau de confiance. Puis on l'a clairement vu. Puis, tu sais, Columbus, il faut leur donner ça, là, ils ont pogné le pic dans le bon moment, là, dans les 10-15 derniers matchs de la saison régulière. Ils étaient en mode série déjà. Ils sont rentrés en série dans une continuité de ce qu'il y avait là. Alors que eux autres, du côté de Tampa Bay, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient battre le record de victoire pendant la saison régulière. Alors, il n'y avait pas le même objectif, tu comprends-tu? Alors, ouais. Il arrive dans les séries, puis force est d'admettre qu'il était pas mal moins bien peut-être préparé physiquement et mentalement que Columbus l'était. OK. Si on parlait maintenant de ce qui s'est passé, est-ce que John Cooper, écoute, je l'ai laissé ce matin, mais c'est sûr qu'il vient de signer une prolongation de contrat. Par contre, tu sais, quelque part, il y avait des attentes tellement élevées à Tampa Bay. Je prends l'exemple des Raptors avec Dwayne Casey dans le passé. Tu devais gagner où il y a des têtes qui roulaient. C'est sûr que le fait qu'il a signé une prolongation de contrat, ça peut mettre des freins à ça. Là. Ben, moi, je pense pas que ça serait la solution. Là, honnêtement, là, oublie, c'est correct, là, ils n'ont pas livré la marchandise dans la saison, mais tu congédies pas John Cooper parce qu'il a fait un faux pas dans sa saison. Il a quand même établi un record de la Ligue nationale pour le nombre de victoires dans une saison. Alors, tu peux pas arriver, puis au moindre petit faux pas, le mettre dehors, spécialement, comme on dit, qu'il vient de signer une prolongation de contrat, tu dois lui donner le bénéfice du doute et être plus patient. Okay. Ça va peut-être être différent du côté de Pittsburgh, parce que là, à Pittsburgh, c'est sûr et certain que quand tu as un Malkin et un Crosby dans ton alignement, tu t'attends à aller plus loin un petit peu que la situation qu'ils ont vécu cette saison, surtout se faire sortir en quatre. Mais quand tu regardes ça froidement, Danny, la logique a été plus respectée dans la série New York Islanders-Pittsburgh que de Tampa Bay-Columbus, parce que Islanders, ils ont quand même fini en avant de Pittsburgh. Là, pis, ouais. C'est eux autres qui avaient l'avantage de la glace. Pis, c'est juste qu'on ne veut jamais gager contre Pittsburgh, parce que gager contre Pittsburgh, c'est gager contre un des meilleurs joueurs au monde qui est Crosby, une équipe qui a gagné la Coupe Stanley souvent dans les dernières années. C'est pour ça que tu ne veux pas gager contre eux autres, mais au bout de la ligne, moi, je trouve que la logique a été respectée, peut-être pas en quatre, mais les Islanders ont connu toute une saison et puis ils méritent de passer comme ils l'ont fait là. Donc. Ah, effectivement. Tu t'attends-tu un ménage à Pittsburgh? Moi, je m'attends un ménage. En tout cas, c'est le temps de le faire. Ouais. Là, parce que tu regardes, si tu regardes de Chicago à Saint-Louis, pas Saint-Louis, mais Chicago, Los Angeles, ils ont peut-être attendu trop longtemps avant de faire un ménage, puis là, on voit ce qui s'en passe. Tu sais, t'as Kessel qui est Kessel, Malkin, Le Temps, Holmquist, c'est tous des gars d'une trentaine d'années et plus. Est-ce qu'il faut s'attendre à un ménage? Ben, moi, je pense qu'il va y avoir un ménage du côté du coaching. OK. Puis du côté des joueurs également. Je pense qu'on en est venu là à Pittsburgh. On a eu nos belles années. Oui. On a eu des belles années à Pittsburgh. On a eu des Coupes Stanley. Je pense que là, on est rendu à passer à une autre étape. Puis ça me surprendrait vraiment pas que Malkin soit sur le marché des échanges éventuellement. Kessel est un candidat qui pourrait partir également. Holmquist, ben, c'est un gars. Ben, Holmquist, c'est quand même. Moi, je trouve qu'il représente quand même assez bien. L'image des Penguins de Pittsburgh, c'est pas un joueur que je me débarrasserais à première occasion, mais il y a des gars comme Kessel qui est pas, à mon avis, la sorte de joueur que tu recherches. C'est un bon complément, mais c'est pas un gars autour duquel tu veux reconstruire ton équipe. C'est un genre de Max Pacioretty, Marc. T'es d'accord avec moi? Comment? C'est un genre de Max Pacioretty. C'est un gars qui faut pas que c'est pas oui. Lui que tu dois mener que le club doit mener son orientation, mais c'est ça pareil. Là, c'est un gars qui va accompagner genre troisième, quatrième attaquant de l'équipe d'Atil. C'est un bon complément, mais c'est pas ouais. Le gars à l'entour duquel tu veux bâtir ton équipe, c'est sûr et certain. Alors que Crosby, Holmquist, tu peux garder le temps même si peut-être qu'il peut être éventuellement un candidat, là, parce qu'il a quand même une grosse valeur. Mais avec tes jeunes, avec Gunzel, puis avec ces bons jeunes joueurs-là que tu as, tu gardes Crosby, évidemment, parce que, je veux dire... C'est comme Mario Lemieux. Tu peux dire que Wayne Gretzky est échangé. Les gens vont tout dire ça, mais il faut dire que Wayne Gretzky est échangé dans des conditions particulières aussi, là. C'est ça, il faut toujours se rappeler ça. Là. Crosby, c'est Mario Lemieux, c'est l'image de l'équipe, c'est l'image des Penguins de Pittsburgh. C'est comme Mario Lemieux, c'est à peu près la même affaire. Exactement. Des autres séries, Boston, Toronto, gros match ce soir, hein? Oui. Moi, je suis agréablement surpris là, de Toronto. Pas moi, je m'attendais pas à ça, parce que je m'attendais, tu sais, qu'ils ont mal fini l'année. Hein. Puis de la manière qu'ils rentrent en série, il faut pas que tu rentres en série comme... ils ont très, très mal fini, là. Oui, t'as 100% raison, sauf que ça revient un peu avec Tampa Bay et Toronto. Tu comprends-tu? Ils ont frappé le mur peut-être dans le bon temps, Toronto, ouais. Où ce que... À un moment donné, ils étaient dans leur zone de confort. Ils se fiaient beaucoup à leur offensive. Dans les derniers matchs, ils ont donné énormément de buts dans les derniers matchs en saison régulière. Alors, tu sais, à un moment donné, là, quand tu as ton traitement choc avant d'arriver dans les séries, c'est peut-être une bonne affaire. Puis là, en tout cas, ça semble être profitable pour eux. Ils jouent beaucoup mieux défensivement. Ensuite de ça, ils sont capables de marquer des buts, on le sait. C'est Boston qui semble être plus difficile un peu pour eux autres. Alors, Mais c'est une bonne série. Là. Tu parles de deux Christy de bonne équipe. Là. Maintenant, là, Danny, quand tu arrives de 1 à 8, là, tu peux plus dire ça va être une marche dans le parc pour le 1 qui affronte 8. Là. C'est toutes des bonnes équipes bien balancées. Alors, quand tu arrives à des affaires comme New York Islanders, Pittsburgh, ou tu arrives avec Toronto, Boston, là, tu peux pas garantir que qui va gagner, même si l'équipe qui a l'avantage de la glace, c'est plus un avantage. On l'a vu en parlant de en sautant d'une série à l'autre. Regarde Saint-Louis qui perd les deux premiers games chez eux, puis qu'après ça, ils vont gagner les deux games. Tu sais, c'est une série de sur la route. Là, l'avantage de la glace n'est même pas un avantage présentement. Alors, ça démontre la parité qu'il y a dans la Ligue nationale présentement. Et puis, c'est tant mieux. Moi, je trouve que c'est les amateurs qui sont les grands gagnants de ça. Calgary-Colorado. Ça, j'écoute, là, moi, je la suis parce qu'à cause de Samuel Girard, c'est une série qui m'intéresse beaucoup. Kane McCarr, t'as-tu pensé dans quelques années, là, Kane McCarr avec Samuel Girard sur l'avantage numérique? Ah non, c'est sûr que l'Avalanche est en bonne position présentement. Ils ont une belle relève. Puis, on va dire une chose, là, ça a passé proche quand même qu'ils se retrouvent avec le premier choix overall. Là, ça avait été le choix d'Ottawa. Ça avait été incroyable si en plus l'Avalanche avait ramassé ce pic-là. Mais ils vont quand même se ramasser avec un joueur intéressant. Mais tout ça est pour te dire que l'avenir est prometteur à Colorado, là, parce que avec la jeune relève qu'ils ont, avec les bons choix repêchage qu'ils ont, les futurs joueurs qui vont aller chercher, c'est le fun. Puis chapeau de Joe Sakic, qui s'est tellement fait critiquer à un moment donné parce qu'il hésitait à échanger Duchesne. Il était patient. Lorsque tout le monde lui lançait des roches puis lui disait « débarrasse-toi-en, puis il n'y aura plus de valeur, puis tu fais une erreur de le garder plus longtemps. » Alors, félicitations à la patience de Joe Sakic dans ce dossier-là. Et puis, c'est toute l'organisation qui va en profiter. Pas compliqué. C'est une équipe qui... Ça a sauvé pas mal la job. Ça a pas mal sauvé la job à Joe Sakic, cette transaction-là. Ouais, ça a sauvé la job, mais c'est ça, hein, Danny. Mm. Le hockey, le sport est relié à la victoire. Ouais, alors, c'est sûr et certain qu'une équipe... Puis, ils ont eu une tempête à un moment donné. Je sais pas si tu te souviens quand elle McKinnon avait répliqué à son entraîneur directement sur le banc devant la Ligue nationale au complet, puis que Sakic est resté patient dans cette situation-là. Il a gardé son entraîneur en poste quand tout le monde disait « ça n'a pas d'allure, il faut qu'il se débarrasse de son coach, il va avoir un conflit avec son meilleur joueur, il va faire... » Non, Sakic est resté de glace là-dessus, il était patient. Tu sais, des fois, de traverser une tempête, ça renforce les liens, ça renforce l'esprit d'équipe. Puis ça semble être le cas présentement à Colorado. OK. Winnipeg-Saint-Louis. Hey, moi, je croyais vraiment que Winnipeg était c'est l'équipe parfaite pour les séries. Ils sont gros, sont forts, sont rapides. Ils ont tout. Mais tu vois, regarde, tu pognes Saint-Louis qui est dans un bon pic. Marc, c'est une des meilleures équipes depuis le 1er janvier. Il était éliminé quasiment au fait d'année. On parlait même pas de série dans le cas de Saint-Louis. On parlait de peut-être faire un ménage. Ils ont des vieux joueurs. C'est le temps de passer à autre chose. On reconstruit. Puis, bang, ils arrivent là. Ils sont partis sur une lancée incroyable depuis les fêtes. Puis, ils sont rentrés dans les séries sur la même lancée qu'en deuxième moitié de saison. Alors, chapeau à Saint-Louis, mais je pense quand même que Winnipeg devrait passer à travers en principe, mais tout est possible. Avec un gardien comme lui, c'est le gardien qui a complètement transformé cette équipe-là. Ça devrait aller en 6 ou en 7. Ça devrait aller en 7. Jordan Binnington et... ça va aller en 7, d'après moi, cette série-là. Marc, les deux autres séries, est-ce que... Joe Hardy nous disait t'es Sharks San Jose, mais les Sharks San Jose, c'est incroyable. Hein? Année après année, Max Pacioretty est vraiment en feu. Mark Stone, c'est un choix de sixième ronde, Mark Stone. Même pour te dire, hein? Ah oui, non, mais c'est ça. Ça démontre une chose, Danny. Puis moi, là, ça fait longtemps que j'en ai dit, on le redit, puis je suis pas le seul qui le dit, là, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Mais le repêchage de la Ligue nationale est trop tôt. Si tu dois repêcher des jeunes à 17 ans, qui souvent arrivent dans la Ligue junior majeure, peu importe, Ils arrivent à 17 ans. C'est leur première année dans la Ligue. Ils doivent s'adapter à leur nouvel environnement. Ils doivent s'adapter à un nouveau calibre de jeu. C'est des jeunes de 17 ans qui jouent contre des gars de 19, 20 ans qui, à cet âge-là, Danny, 2 ans de différence, ça paraît. Là. C'est toute une différence au monde. C'est des gars plus matures. Alors, ce jeune-là se doit, à son année d'adaptation dans le junior, jouer sa meilleure saison parce que c'est son année de repêchage. Alors, c'est à cause de ça qu'on a des, justement des Mark Stone qui vont sortir en sixième ronde, des Gallagher, qu'on va avoir. Le meilleur exemple, c'est les deux joueurs de Zetterberg à Détroit, puis Datsuk, là, ça va sortir en cinquième puis en septième ronde. Ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi? Mais justement, peut-être parce que on repêche des gars comme ça trop jeunes, on investit sur ça, ou ce que souvent, ben on appelle ça des late boomers, c'est que ces jeunes-là vont sortir de leur coquille à 19, 20 ans, 21 ans, 22 ans pour devenir à leur meilleur, mais il y en a qui, justement, ils vont plafonner à cet âge-là, jusqu'à 17 ans, ils vont connaître une saison extraordinaire, puis à un moment donné, oups, ils vont plafonner, puis alors, moi, je pense que si on revenait comme dans les années 70, où ce qu'on repêchait les joueurs à 19 ans pour le professionnel, ben, il y aurait peut-être justement moins d'erreurs, on doit moins lire dans une boule de cristal, puis essayer de deviner si le joueur va progresser ou plafonner. OK. Marc, Alain Vigneault a été nommé entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie. Écoute, les Flyers, c'est une équipe, je pense qu'ils arrivent dans le bon temps. Tu sais, les Flyers, écoute, Carter Hart, je pense que c'est le meilleur gardien de but depuis Ron Extor, la Philadelphie. Ils ont de bons jeunes, ils ont de bons... Philip Myers également. Ils ont Carter Hart. Ensuite de ça, Lindbom, Oscar Lindbom, qui connaît vraiment, qui est un excellent joueur également. Les Flyers de Philadelphie, je pense qu'Alain Vigneault, c'est vraiment, vraiment une belle acquisition pour les Flyers. Puis je pense qu'il va connaître beaucoup de succès à Philadelphie. Quelle belle nouvelle, l'embauche d'Alain Vigneault. Je suis content pour Alain. Ça démontre comment que c'est rendu fou l'échelle salariale, Danny. Tu passes d'un gars qui avait plus de job à signer, selon les rumeurs, là, à 5 millions par année pendant 5 ans, 25 millions pour 5 ans. C'est incroyable que le gars qui est assis chez lui reçoive un offre comme ça. Alors, mais ça démontre quand même que même s'il était congédié, ça n'enlève pas les qualités de l'homme et les qualités d'entraîneur qu'il était. Tu sais, on l'a déjà dit, j'aime dire ça, c'est pas parce qu'on congédie un entraîneur ou qu'on congédie un directeur général ou peu importe, c'est pas parce qu'il est pas bon. C'est parce que son message avec l'équipe, avec qui il est, il passe plus. Ça peut arriver. Les joueurs, c'est comme ça, c'est des grands bébés des joueurs. Puis à un moment donné, quand ils sont habitués d'avoir toujours le même discours, ils viennent blaser puis ils viennent qu'ils n'écoutent plus le message qu'on leur lance. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un de nouveau pour leur donner un nouveau message. Alors, un entraîneur, c'est souvent ça. Puis ça arrive souvent, j'en viens souvent avec l'exemple de Ken Hitchcock, qui avait été congédié, je me souviens bien, je pense qu'il était à Dallas, le message passait plus. Ben oui. Il arrive avec Saint-Louis, où ce que l'équipe s'en allait absolument nulle part. Puis lui, il arrive là, puis bang, il fait un travail extraordinaire avec Saint-Louis, puis il a relancé cette équipe-là qui était en perte d'identité. Alors, c'est comme ça. Alors, la roue tourne, puis pour Alain Vigneault, c'est vraiment le fun. Ah ouais. On se reparle bientôt, Marc. On se reparle la semaine prochaine. Parfait. Collaborateur Marc Fortier.